Je suis agité, casse-toi de ma zone. Mourra. Saturé. Je suis saturé, casse-toi de ma zone. Planté chaud. Je n'ose. Je suis agité, casse-toi de ma zone. J'écris mon seum dans mes têtes, je mène une vie de game. Mes rimes sortent de mes cauchemars, j'ai un mal à l'abri d'un connard qui sort le gun. Je pense à mes frères au placard. Me parle pas de chance, on verra quand la poisse disparaîtra. Pour le moment, elle m'attend pas. Les matraques fusent les pommades. On dira que j'ai de la chance. Le chiffre, ma seule pommade. Promenade à contresens sur les sentiers denses de mes expériences. Les saturés, c'est du vécu, pas des imaginaires romances. Originaire d'un monde sans clémence. Regarde bien les étoiles, c'est que je suis mort. Si le ciel en rajoute une, vas-y, passe la thune. Que j'achète la cheese. Chaque jour, une fête, je me perds la tête. À part des bouffes et la teuf est complète. Papy Fredo, chez nous, on anime, on anime. L'instru, on la sublime. L'auditeur, la chanson sublime. Et kiffe son rôle de victime. Et attention. Blasième show. Suggestion de pression, pression, y'a rien tension, attention. On le verse la rime vers l'intrusion. Une pression de l'agité dans le rime, des combinaisons, conclusions. Excite-toi avant la révolution. Suggestion de pression, pression, y'a rien tension, attention. On le verse la rime vers l'intrusion. Une pression de l'agité dans le rime, des combinaisons, conclusions. Excite-toi avant la révolution. Neuf la OP, beat brut, pas de trip et dopé. Pour me doper, j'file rap à fond, et même à froid, j'suis chaud. Parce que qu'on n'est pas dans les choux, et que mon blandem chaud n'est pas dans les choux. Alors je fonce tête baissée dans le tas. On compte plus les blessés, les MC rabaissés repartent dans l'état. Ils veulent ma part et ma peau, mais la plupart s'emparent sans repos de mes propos. Papy Fredo, chez nous, saturé comme la capsule. Paris Réunion Island, direction Cap Sud. J'mène un train de vie à la Speedy Gonzales. Yena s'occupe de faire du bon son et moi de mettre mes Gonzales. Et si tu décides de venir me chercher, sache que je suis tout là au perché, près de l'étoile du berger. Parce que je suis guidé par des idées spirituelles. Et puis c'est inné, mais les réunionnais, quoi de plus naturel. Suggestion de pression, pression, y'a attention, attention. On le verse la rime vers l'intrusion. Une pression de l'agité dans le rime, et combinaison, conclusion. Excite-toi avant la révolution. Suggestion de pression, pression, y'a attention, attention. Verse la rime vers l'intrusion. Une pression de l'agité dans le rime, des combinaisons, conclusion. Excite-toi avant la révolution. Man, pour remettre les choses dans le time, au lieu de s'agiter, ce clown ferait mieux d'éviter l'esclave. Le vrai réviser ses gammes sera visé d'abord. Quand ma justesse frappe, un autre soundboy tombe. Et c'est pas pa pa pa pa pa, toi de ranimer le sang. Papy le blanc d'aime chaud, c'est ça que la famille scande. Lève un point militant, attentif. Quand je quitte, qu'on vit dans un pays de flics, la France est connue pour ça. Du 18ème, le cœur au sud, antifachon, y'a trop de foule. Antipathique, ils te regardent d'un air sympathique, mais ils disent pas pour qui ils votent. Ne touche pas, je suis pas ton pote, à qui tu parles, je suis pas ton gosse. Rien à foutre de viser ton pote. Casse-toi, qu'est-ce que tu racontes? Le vrai BNF, c'est pour les boss. Je te la sève, je perce les corps, j'ai retenu des trucs à l'école. Alors je me renvoie dans la gueule, la vraie misère est d'être en joule. De voir les fashion qui jaune, je suis agité, casse-toi de ma zone. Suggestion de pression, pression, y'a attention, attention. On le verse la rime vers l'intrusion. Pression de l'agité dans le rime, des combinaisons, conclusion. Excite-toi avant la révolution. Suggestion de pression, pression, y'a attention, attention. On le verse la rime vers l'intrusion. Une pression de l'agité dans le rime, des combinaisons, conclusion. Excite-toi avant la révolution. Saturé, saturé, saturé, saturé, saturé, saturé, saturé, saturé, saturé, saturé, saturé, saturé, saturé, saturé, saturé, saturé, saturé, saturé, saturé, saturé, saturé, saturé, saturé, saturé, saturé, saturé, saturé, saturé, saturé, saturé, saturé, saturé, saturé, saturé, saturé, saturé, saturé, saturé, saturé, saturé, saturé, saturé, saturé, saturé, saturé, saturé, saturé, saturé, saturé, saturé, saturé, saturé, saturé, saturé, saturé, saturé, saturé, saturé, saturé, saturé, saturé, saturé, saturé, saturé, saturé, saturé, saturé, saturé, saturé, saturé, saturé, saturé, saturé, saturé, saturé, saturé, saturé, saturé, saturé, saturé, saturé, saturé, saturé, saturé, saturé, saturé, saturé, saturé, saturé, saturé, saturé, saturé, saturé, saturé, sa